Baba, Yesu hakuna kama we, nasema u. baba, hakuna Mungu kama we. Unaweza baba, unaweza baba, hakuna. Yesu zamba bo moinanga bolingwa motema nanga ye otika kikembo ukitaki awana se bona kosikolanga ye Yesu e kolo Yesu zamba bo moinanga Chari kenangai na bila yushilo lobi kwa molimo nangai biza nangai alola Yesu nangai atambonge atami pepe atambonge atami pepe nakobanga elokote liloba ya sukeza na Yesu Kamela kuna ne kulusu kufela kinga ye oko kisa nyoso poranga ye po waza bo moinanga kolo Yesu zamba bo moinanga nisuki zanga katena tangwa pasi Yesu na pila yoshilo lobi kwa bo moinanga Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.